Papillon d'automne par André Théoriel. Ils n'ont pas encore totalement disparu, les beaux papillons d'arrière-saison. En dépit des nuits froides et des matinées saupoudrées de gelée blanche, ceux qui sont restés appartiennent aux espèces le plus richement colorées. On dirait que la nature, aux heures du déclin, réserve pour nos yeux une dernière fête de couleurs. Sous la tiédeur du soleil de midi, les pierries citron ou souci, les vulcains diaprés de rouge feu sur fond brun, les ponts de jour aux taches scellées de bleu, aux reflets fauves et violets, viennent se poser languissamment sur les feuilles maraissantes ou sur les fruits trop mûrs. Les éclatantes marbrures de leurs ailes s'harmonisent avec la pourpre plus vive des couchants, avec les teintes saignantes, dorées, roussies ou tannées des feuillages. Tardivement sorties de la chrysalide et abusées par la transparence de l'air, la chaude lumière des après-midi d'octobre, ils étalent leurs neuves toilettes, boivent un dernier coup de soleil, prennent l'essor et deux à deux consomment leurs rapides amours. Hélas, la fête sera brève, aussi brève que leur éphémère vie de papillon. Le lépidoptère à l'état parfait ne vit que quelques jours. Le temps de s'accoupler et de pondre ses œufs, puis tout est dit. Il tombe comme une feuille sèche et meurt obscurément. Le philosophe Jouffroy prétend que tout être a une fin conforme à son organisation. Jamais axiome ne m'a paru plus discutable par rapport au papillon. Si un être fut organisé pour durer, c'est lui, incontestablement. Ce corps svelte et mince, ses trois paires de pattes, ses quatre ailes agiles, renforcées par de fines nervures et recouvertes d'écailles veloutées, semble le prédestiner à une longue, aérienne et brillante existence. Il n'en est rien. Cet organisme merveilleux, ces habits de féerie, ne feront que trois ou quatre déjeuners de soleil. De même que Cendrillon, au coup de minuit, dépouillait sa robe enchantée, l'insecte pimpant disparaîtra en pleine fête et on retrouvera au pied d'un arbre son frêle squelette aux ailes déchirées et décolorées. Il est vrai qu'avant d'être vêtu comme un prince charmant, il a fait un stage de 2 mois sous forme de chenille. Mais cela s'appelle-t-il vivre que de ramper de feuille en feuille, de passer son temps à se gaver de nourriture et à changer de peau, et finalement de somnoler dans l'obscure enveloppe d'une chrysalide. Juste au moment où le papillon, avec un doux frémissement d'ailes, s'envole vers la lumière et vers l'amour, une maligne destinée arrête son essor et paralyse son vol. Assez de caracolades en plein azur, assez de bains d'air et de soleil, assez d'amoureux pour chat. Tout cela n'était que le rêve d'une nuit d'été. Maintenant, il faut mourir. Vraiment, c'est lui qui pourrait s'appliquer à bon droit les paroles que Shakespeare met dans la bouche de Macbeth. La vie n'est qu'une ombre mouvante, le jeu d'un pauvre histrion qui trotte et se démène sur les planches pendant 1 heure, et dont on ne parle plus l'instant d'après. Je me répétais ces choses hier encore en regardant un magnifique vulcain, à la livrée rouge et brune, qui éployait au soleil ses ailes frileuses et suçait du bout de sa trompe flexible le jus d'une poire pourrie oubliée sur le sable. Le goût singulier de ce lépidoptère pour les fruits avariés et les détritus les moins appétissants me rappelait certaines chasses aux papillons du temps de mon adolescence. Ces magnifiques vanesses ont en effet un goût fort dépravé, dont profitent les collectionneurs. Quoi que disent les faiseurs de romances, beaucoup de papillons préfèrent aux fleurs les plus odorantes les matières les plus faisandées. Les jolies arguses bleues pullulent sur les bords vaseux des marais, et le roi d'une lépidoptère forestier, le grand mars iris, aux larges ailes brunes à reflets d'azur, se pose avec délice sur les excréments. Je revois avec les yeux charmés du souvenir les bois coupés de larges allées herbeuses où nous allions jadis chasser ce rare et presque imprenable papillon. Nous emportions avec nous un panier rempli de frais crottins de cheval, que nous répandions sur le sol de la tranchée. Puis, immobiles, debout sur le talus, nous attendions le moment où une brise favorable porterait jusqu'au flair subtil de mars l'alléchante odeur de cet appât. Bientôt, au-dessus des épais couverts de hêtres, virevoltant sur la bande de ciel formée par les deux lisières parallèles, nous voyions apparaître le royal et sauvage lépidoptère et nos cœurs battaient. Magnifique, il descendait, d'un vol horizontal et giratoire, vers les crottins épars, et ses ailes chatoyantes projetaient une ombre fugace sur l'herbe courte de la tranchée. À la parfum, il se posait, et courbé, nous avancions, tenant le filet au ras du sol. mais le farouche papillon nous avait déjà éventés, et d'un brusque coup d'aile, il remontait vers l'azur où il se perdait. Nous avions à peine le temps d'admirer ses merveilleuses couleurs d'iris. Nous avions beau l'attendre, il se méfiait et ne revenait plus. Un peu déçu, mais heureux tout de même de l'avoir entreaperçu, nous nous en retournions par les profondes tranchées qu'estompait déjà l'ombre du soir, et nous nous disions « ce sera pour une autre fois ». Vaine espérance, cette autre fois ne venait jamais, et aujourd'hui encore, j'ai le regret de n'avoir pu une seule fois sentir entre mes doigts palpiter la mirifique Banès Mars, aux ailes brunes à reflets violets. Je repense souvent à ce fugace papillon des bois, et tout récemment, en lisant ces vers du poète Maurice Bouquet, il se pose. On l'approche. Il dort. Il part. Un peu de poudre d'or. Reste aux doigts meurtri par la rose. J'ai vu repasser dans le champ du souvenir le vol du grand Mars couleur d'iris. Le recueil d'où sont tirés ces trois vers, les nouvelles chansons, a du reste plus d'une analogie avec mes papillons d'automne. Comme eux, il est chatoyant, chaudement coloré et vivement amoureux. Comme eux, il évoque la sensation du plein air, des eaux courantes et des prés baignés de soleil, et aussi le sentiment mélancolique de la fuite des beaux jours. Parmi les chansonniers modernes, Maurice Bouquet a une note bien personnelle et d'une réelle originalité. Sa chanson n'a rien de l'accent macabre et pince sans rire aujourd'hui à la mode. Elle est plutôt tendre, avec une nuance de moquerie désabusée. Elle est pleine de ce mystique amour de la nature qui rappelle un peu la manière de Pierre Dupont. Elle est surtout d'une simplicité raffinée, d'une sobriété charmante, qui donne parfois l'illusion de nos vieilles chansons populaires. Mon pauvre cœur a tant de peine, ne sait comment il guérira. Par la montagne et par la plaine, s'en va, pour voir s'il fleurira. Pour voir s'il fleurira sa peine, ou bien plutôt s'il n'en mourra. Dites, bergère ou châtelaine, qui, de mon pauvre cœur, voudra. Nous le mettrons dessous un chêne, où ton amoureuse lira, pour avoir trop chanté sa peine, si j'y un cœur qu'on enterra. N'est-ce pas que cette douce cantilène s'harmonise bien avec les ciels légers d'octobre, les feuillages rouillés où s'accrochent les fils de la Vierge et la lumière où se jouent les derniers papillons? Il y a comme une langueur d'arrière-saison, comme une tristesse embrumée dans ces deux couplets d'une autre chanson. Et j'aime plus que toute chose, ô crépuscule, tes yeux-là. Ils ont la douceur des lilas qui se meurent parmi les roses. Je les aime avant toute chose. Ce que j'aime en eux, c'est ton âme. Ton âme aux reflets irisés de violet, sous les baisers, quand la lune s'éclaire à leur flamme. Ce que j'aime en eux, c'est ton âme. Et moi, ce que j'aime dans les chansons de Maurice Bouquet, c'est leurs capricieuses envolées, leurs amoureuses couleurs, leur bonne odeur de nature, qui me redonnent les sensations d'autrefois, ces mêmes sensations de jeunesse et de plein air que je retrouvais hier, en regardant le vol chatoyant et alangui des papillons d'automne. André Theuriet.